C'est les roses du quartier, les voyous sont tombés là. Et elle en joue, tout son visage elle innove. Mais bon voilà, elle a joué, elle a perdu. Il a dragué, le bal est tombé, il la rappelle plus. Allez réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Prends ce que t'as, profite. Allez réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Prends ce que t'as, profite. Histoire d'un bac plus 4, dans sa vie tout va bien. Il est en couple, ça date, mais madame n'est plus au petit soin. Il va dans une soirée, mais bon là y'a son. Allez se marier, mais elle a dit next. Allez réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Prends ce que t'as, profite. Allez réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Prends ce que t'as, profite. De base elle est sérieuse, à l'école 18 sur 20. Tu n'as rien à dire, sauf quand elle traîne des pieds. La vie ça va trop vite.